De son côté, Fix est contrarié, car le mandat d'arrêt n'est pas arrivé à Hong Kong, et le Carnatique part le soir même. Il dévoile alors à Passepartout le véritable motif de sa présence, et, pour retarder le départ de Fogg, il emmène Passepartout dans une fumerie. Une tabagie, en tête ces misérables, hébétés, amaigris, idiots, auxquels la mercantile Angleterre vend annuellement pour 260 millions de francs de cette funeste drogue qui s'appelle l'opium. Triste million que cela a prélevé sur une des plus funestes vices de la nature humaine. Le gouvernement chinois a bien essayé de remédier un tel abus par des lois sévères, mais en vain. De la classe riche, à laquelle l'usage de l'opium était d'abord formellement réservé, cet usage descendit jusqu'aux classes inférieures, et les ravages ne purent plus être arrêtés. On fume l'opium partout et toujours dans l'empire du milieu. Hommes et femmes s'adonnent à cette passion déplorable, et lorsqu'ils sont accoutumés à cette inhalation, ils ne peuvent plus s'en passer, à moins d'éprouver d'horribles contractions de l'estomac. Enfin, dit Fix, en voyant Passepartout anéanti sous l'influence du narcotique, le Sir Fogg ne sera pas prévenu à temps du départ du Carnatique. Et s'il part, du moins partira-t-il sans ce maudit français. Puis il sortit, après avoir payé la dépense.